J'y suis pas du tout aujourd'hui, là. J'arrive pas. Ces histoires de retraite, ça me prend la tête. Ah, c'est ça. Moi, je suis avec Monceau Assurance. C'est top. Tu épargnes ce que tu veux, quand tu veux, et t'en profites à ta retraite. T'as le contrôle du match, un peu comme moi, là. Pas mal. Allez, go! Prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance. Plus d'infos sur monceauassurance.com. France Culture. Avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Cette semaine, une série intitulée « L'idée de voyage ». Qu'est-ce qui se joue dans le désir de voyager, dans l'envie d'un ailleurs, puis d'un retour ? Premier épisode, le personnage d'Ulysse, bien sûr. Bien possible qu'à part Joachim du Bellay, puis peut-être Georges Brassens, personne ne croit vraiment qu'Ulysse ait fait un beau voyage. Rappelez-vous le poème qui compare Ulysse à celui qui a conquis la toison, Ulysse qui ensuite s'en est retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. L'histoire racontée par Homère est moins simple, moins sereine, plus intéressante sans doute. Ulysse a-t-il vraiment conquis quelque chose ? N'y a-t-il pas de la perte aussi, et peut-être avant tout, dans son errance, puis dans son retour à Ithaque, ce retour tant attendu et finalement si difficile ? Nous allons en parler ce matin en compagnie de deux personnalités passionnantes qui ont beaucoup réfléchi à Ulysse et qui lisent dans son voyage des interrogations philosophiques majeures. Nous entendrons aussi une très bonne connaisseuse de la dialectique de la raison. Ce livre, écrit en 1944 par les philosophes Adorno et Horkheimer, dont un chapitre entier est consacré à l'épisode des sirènes dans l'Odyssée. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Vous êtes l'une de ces deux personnalités passionnantes que j'annonçais, éminente figure, vous siégez désormais à l'Académie française. Vous êtes à la fois philosophe et philologue. La langue et ses énigmes est l'une de vos grandes questions. Pour ce qui concerne Homère et Ulysse, je renvoie surtout à votre livre paru en 2013 aux éditions Autrement, La nostalgie, quand donc est-on chez soi ? Bonjour François Hartog. Bonjour. Vous êtes historien, c'est vous l'autre personnalité, l'autre grand lecteur d'Homère qui allait nous éclairer ce matin. Vous êtes l'auteur de « Mémoire d'Ulysse, récit sur la frontière en Grèce ancienne » paru chez Gallimard en 1996 et les préoccupations au cœur de ce livre continuent de vous habiter. Enfin, à distance, mais avec nous, j'accueille la philosophe Agnès Guéraud. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez aux Beaux-Arts à Lyon. Vous êtes aussi musicienne, votre nom de scène c'est La Féline. Vous proposez de la musique pop que vous chantez en français. L'été dernier, dans sa chronique Le vrai métier des philosophes dans les matins d'été sur France Culture, Nassim El-Kabli a brossé de vous un très beau portrait. En philosophie, Adorno vous intéresse beaucoup. Vous nous parlerez de sa lecture d'Ulysse et des sirènes. Ulysse, c'est une autre paire de manches. Il a ça aussi, c'est aussi un bon guerrier, hein ? Avec le casque, le plumet, la cuirasse, le bouclier, le javelot et le glaive. Mais il est surtout un malin. C'est un type incroyablement rusé. Il possède une qualité qui s'appelle en grec la métis, l'astuce. Cette astuce, ça lui permet de sortir d'affaires dans les situations où on peut penser qu'il est foutu. Il a tout contre lui. Il se heurte à bien plus fort que lui. Et il trouve le moyen, en malin, en rusé, en menteur, en fourbe, en dissimulant sa pensée, de trouver des astuces pour finalement l'emporter. Vous venez d'entendre Jean-Pierre Vernon, l'historien. C'était sur France Culture, le 4 mai 2002. Jean-Pierre Vernon qui insiste, bien sûr, sur cette qualité essentielle d'Ulysse, la ruse. Alors certainement, le voyage d'Ulysse est-il une mise à l'épreuve de cette ruse, mais il y a sans doute beaucoup d'autres choses encore qui se jouent. François Hartog, vous écrivez, je vous cite, « Le voyage d'Ulysse apparaît comme résolution d'un problème, comme réponse à une question ». Quel est pour vous le problème ou la question ? Eh bien, Ulysse est devenu le saint patron des voyageurs. On ne compte pas les agences de voyage qui exhibent le nom d'Ulysse. Or, s'il y a quelqu'un qui n'a nulle envie de voyager, c'est bien lui. Et il ne songe qu'à une chose, c'est précisément au retour. Et il est caractérisé comme étant celui qui n'oublie pas. Et que n'oublie-t-il pas? Le jour du retour. Et c'est ça qui l'anime d'un bout à l'autre de ses errances, la mémoire du retour. Et si on fait un pas en arrière, que peut signifier que cette épopée de l'Odyssée, une des premières épopées dont nous disposons, soit tout entière tournée vers le retour? Non pas le voyage, mais le retour. Qu'est-ce que ça nous dit du rapport du monde grec au monde extérieur, à ce qui n'est pas soi, à l'altérité? C'est une question qui, me semble-t-il, traverse toute la civilisation grecque. Est-ce anachronique de dire que la conséquence de ce que vous venez de dire, ou l'implication, c'est que c'est la question de l'identité qui est posée dans Ulysse? Oui. Dans l'Odyssée? Oui, bien sûr. Ulysse, j'ai utilisé cette expression, c'est un homme frontière. Et ces déplacements balisent toutes les possibilités de faire l'expérience de ce qu'est la condition humaine. Il va aux limites, à toutes ces limites, et il s'arrête juste au bord. Il s'arrête au bord des enfers, au bord de la maison d'Hadès, parce qu'il ferait un pas de plus, ce serait fini, il disparaîtrait. Et c'est ainsi ce que dit l'Odyssée d'un bout à l'autre, et le retour, ça signifie justement cette pleine acceptation de la condition humaine, et avec sa finitude, bien entendu. Barbara Cassin, pour vous, la question du retour est centrale, je crois, dans l'Odyssée, et d'autant plus importante qu'elle est attendue, qu'il est attendu, ce moment du retour, et qu'il va assez mal se passer. Mais c'est même pas qu'il va mal se passer, c'est que le poème dont nous partons, le poème de Du Bellay, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, et puis est retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre les siens le reste de son âge, c'est pas comme ça. Ça se passe très mal, au sens où il repart. Oui. Au bout de 3 jours, c'est ça? Oui, à peine. Pourquoi? Une grande nuit avec sa femme, une nuit, heureusement, Athéna est là pour arrêter le char de l'aurore, donc on sait pas combien de temps ça dure, cette nuit de retrouvailles. Mais enfin, c'est très peu. Ça fait 20 ans qu'ils ne se sont pas vus. Bon. Donc, c'est pas beaucoup, 3 jours en 20 ans. Et une nuit en 20 ans, c'est encore moins. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'il repart? Eh bien, parce qu'il obéit à Tirésias, le devin, qui a fait une prophétie qui, comme toutes les prophéties, doit se réaliser. Tirésias lui a dit: quand tu rentreras, il faut que tu repartes. Comment ça? Tu repartiras avec une rame sur l'épaule jusqu'à ce que tu croises quelqu'un, un voyageur, qui te dira: étranger, quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule? Ça, c'est du Bérard, hein, la traduction de Bérard. Que nous utiliserons ce matin. Oui. Quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule? C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit tellement loin de chez lui, tellement loin de la Méditerranée, qu'il croise quelqu'un qui ne sache même pas ce qu'est une rame et ce qu'est la mer. Donc il ne rentre pas, il n'est pas du tout rentré, le pauvre Ulysse. Et l'idée fondamentale est qu'il soit enfin reconnu. C'est important pour lui, en tout cas, d'être reconnu. Est-ce que c'est ce que Athéna souhaite, qu'à un moment, il soit reconnu par tous, et pas seulement par son chien, et pas seulement par Pénélope? Vous savez, aujourd'hui, la question d'identité est centrale en philosophie contemporaine. La question de la reconnaissance aussi. Je ne suis pas sûre que ce soit votre tasse de thé. Si, si, tout à fait. Mais est-ce que c'est juste de penser cela comme enjeu à propos d'Ulysse? Eh bien, que l'identité soit la question de l'Odyssée, je suis complètement d'accord. J'ai fait récemment une série de conférences au Louvre. Oui. Et j'ai suivi le fil de l'identité. Et justement, l'un d'entre eux, un moment très caractéristique, ça rejoint le premier épisode, enfin la première intervention que nous avons entendue De Jean-Pierre Vernon. Celle de Vernon, oui. Sur la ruse, Métis. L'épisode peut-être le plus fou et le plus intelligent, le plus rusé dans toute l'Odyssée, c'est quand Ulysse, on ne sait pas trop pourquoi au début, dit au Cyclope, qui est un anthropophage terrifiant, qui mange les uns après les autres les compagnons d'Ulysse, il lui dit, quand le Cyclope lui dit « Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? D'où viens-tu ? » Mm-hmm. Il dit « Je m'appelle Outis ». Outis, ça veut dire personne. Oui. Ou, pas, tis, quelqu'un. Donc je m'appelle pas quelqu'un, je m'appelle personne. Et ensuite, lorsque ils réussissent avec ses compagnons à s'échapper, c'est-à-dire lorsqu'ils aveuglent le cyclope, et lorsqu'ils sortent sous les brebis, les béliers, parce qu'ils ont besoin, alors bon, l'histoire est un peu compliquée, ils ont besoin que ce soit le cyclope qui enlève le rocher qui ferme sa caverne parce que c'est tellement lourd, etc. Donc le cyclope, qui est un bon berger, est obligé de faire sortir ses brebis, et les compagnons d'Ulysse et Ulysse sortent sous les brebis. Et ils ne les voient pas puisqu'ils lui ont crevé son œil. Ils ne les voient pas et il oublie de toucher le dessous des brebis. Bon, quel idiot. Et quelle ruse. C'est ça que ça dit aussi. Il est quand même vraiment très malin. Ça dit quel métis. Oui. Mais vous l'avez dit, quel métis. Métis, c'est le même mot que outis, avec une autre négation. Il y a deux négations en grec. Ou, qui veut dire ne pas, et mais, qui veut dire absolument pas. Une négation de prohibition, si vous voulez. Et outis, c'est pas quelqu'un. Métis, c'est la ruse, mais c'est construit comme absolument pas quelqu'un. Oui. Et donc, ce qui me paraît si génial dans cette scène, c'est que lorsque donc ils finissent par s'enfuir, ils reprennent leur bateau, et à ce moment-là, Ulysse dit au cyclope, « Ah ah, oui. C'est ma métis qui t'a bien eu. » Et pourquoi est-ce que la métisse d'Ulysse l'a bien eue? Eh bien, c'est parce que quand les autres cyclopes entendent hurler Polyphème, qui dit ils lui disent qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'égorge? Qui te fait du mal? Et bien ce cyclope nunuche répond Outis, c'est personne. Ah, mais si c'est personne, va te coucher, mon pauvre petit, on n'y peut rien. T'es fou. Donc vous voyez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette scène, et ça pour moi c'est très caractéristique, c'est que Ulysse, s'il est rusé, s'il fait preuve de métis, c'est parce qu'il travaille sur la langue. Et aussi parce qu'il sait ne pas dire son nom et dire cette espèce d'absence de nom qui est personne quand il le faut. Bien sûr. Mais si je puis me permettre, et je le fais d'autant plus volontiers que François Hartog a une analyse précise sur ce point, une fois embarqué, Ulysse crie, en effet, vous l'avez dit, Barbara Cassin, au cyclope, la vérité, je t'ai bien nu, mais il dit alors son nom, celui qui t'a privé d'un œil. Eh oui, je suis le fils de Laërte, le pilleur de Troie, l'homme d'Ithaque, Ulysse. François Hartog, est-ce que pour vous, ça signifie que, en vérité, dire et faire reconnaître son nom, même s'il a rusé en ne le disant pas ou en le transformant ou en créant une absence de nom à un moment donné, faire reconnaître son nom, est-ce l'enjeu? Est-ce l'enjeu ultime de ce voyage? C'est... Mais en même temps, quand il dit au cyclope, puisqu'il est quand même il est un héros, donc il ne peut pas faire quelque chose en catimini. Il faut qu'il puisse dire, c'est moi qui ai fait ça. Ça fait partie de la gloire. Oui. Sinon, ça n'existe pas. Mais en faisant cette proclamation, il se condamne aussi. Parce que c'est à la suite de cela que Poséidon va lui dire « Mon vieux, tu ne rentreras jamais chez toi, puisque tu as aveuglé Polyphème, qui est mon fils. » Qui est mon fils. Bon. Donc c'est à double détente. Et après, pouvoir habiter à nouveau son nom, c'est évidemment la condition même pour pouvoir rentrer à Ithaque. Quand il est chez les Phéaciens, vous avez cette autre scène capitale, je ne sais pas si on y reviendra, où il demande au devin, à Laède, de chanter. Et de chanter quoi? Son moment de gloire. C'est-à-dire la ruse du cheval de bois qui a permis la prise de Troie. Et le devin, évidemment, fait son travail, se met à chanter de manière extraordinairement précise, on a l'impression d'y être, Et Ulysse se met à pleurer. Pourquoi ? Dès lors que c'est son moment de gloire. Donc normalement, il devrait au contraire dire, vous voyez, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Bon, non, pas du tout. Alors pourquoi ? Il pleure. Enfin, la scène est extrêmement intéressante. Il y a une comparaison très intéressante. Il pleure comme une femme dont le mari vient d'être tué. Enfin, ça, ce qui évoque bien sûr Andromaque, ce qui évoque aussi Pénélope privée de son mari. Enfin, donc c'est une façon d'introduire l'Iliade dans l'Odyssée. Bon. Mais il pleure parce que il n'arrive pas à relier celui qu'il était, oui, le glorieux, et celui qu'il est aujourd'hui, démuni de tout, ayant tout perdu, ayant perdu jusqu'à son nom. Et c'est à la suite de cette épreuve ultime, oui, où il entend le devin le célébrer, comme s'il était mort, comme s'il était mort. C'est à la suite de cette expérience ultime qu'il peut enfin répondre à la question que lui pose le roi, Alcinoos, mais enfin, qui es-tu ? Et qu'il reprend son nom de gloire, tel qu'il apparaît dans l'Iliade, et qu'à partir de ce moment-là, il a la capacité à raconter c'est ce là qui s'est passé. Oui. Et par conséquent, à relier, traverser les 10 années qui séparent le départ de Troie à l'arrivée chez les Phéaciens et finalement à Ithaque. Et alors là, on est dans ce que Ricoeur appelait l'identité narrative. C'est-à-dire, si je vous ai aussi bien compris dans vos travaux, c'est vraiment l'anti-Achille. Achille est le héros qui a obtenu la gloire en tuant Hector, puis en mourant. Oui. Son nom est immortalisé. Ulysse a survécu, c'est d'une certaine manière son drame. Et il va devoir être comme mort par les pleurs. C'est ce que vous venez de dire exactement. Oui. Et là, à ce moment-là, l'héroïsation peut commencer. Oui, mais oui, c'est vrai. Et mais le problème d'Ulysse, Achille, bon, il sait qu'il va mourir. Oui. Et il fait ce choix de la mort jeune, en pleine gloire. Bon. Ulysse, en un sens, il a le malheur de continuer à vivre. Bon. Et comment être ce héros glorieux tout en continuant à vivre ? Mm-hmm. Et c'est aussi le problème de l'Odyssée, d'une manière plus générale. Comment faire une épopée sur le retour ? Alors merci, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, mais à vous lire, ça ne l'est pas du tout. Nous commençons un peu par la fin, par le retour hante tellement ce voyage que autant y aller directement et revenir plus tard aux épreuves du voyage. Parlons de ce cri d'angoisse qui sort de la bouche d'Ulysse au moment où il arrive à Ithaque. Il s'agit du chant 13 de l'Odyssée. Ulysse s'éveillait de son premier sommeil sur la terre natale, mais sans la reconnaître après sa longue absence. Car Pallas Athéna, cette fille de Zeus, avait autour de lui versé une nuée, afin que, de ses lieux, il ne reconnût rien et qu'il apprît tout d'elle. Ni sa femme, ni son peuple, ni ses amis ne devaient le connaître, tant que, des prétendants, il n'aurait pas puni toutes les violences. Aussi, devant les yeux du maître, tout n'était que sites étrangers. Les mouillages des ports, les rocs inaccessibles, les sentes enlacées et les arbres touffus. Brusquement relevé, debout, il contemplait le pays de ses pères. Il se prit à gémir et, du plat de ses mains se frappant les deux cuisses, il eut un cri d'angoisse. Quel est donc ce pays ? Hélas, chez quel mortel suis-je enfin revenu ? Chez un peuple sauvage ? Des bandits sans justice ? Ou des gens accueillants qui respectent les dieux ? Où m'en vais-je porter cet amas de richesses ? Moi-même, où m'en aller ? Que ne suis-je resté là-bas en Phéacie ? J'aurais bien rencontré quelque autre roi puissant qui m'aurait accueilli et reconduit chez moi. Maintenant, je ne sais où mettre tous ces biens, et pourtant je ne puis les abandonner là, en proie à tout venant. Misère ! Ah voilà donc ces gens de Phéacie, ces gens sensés et justes, doges et conseillers, c'est eux qui m'ont jeté sur la terre étrangère, eux qui m'avaient tant dit qu'ils me ramèneraient en mon aire d'Ithaque. Avec quels sanglots il pleurait sa patrie, en se traînant au bord des vagues mugissantes. Nous Nous allons commenter cette angoisse et aussi ce mot patrie. Mais avant, j'aimerais demander à Agnès Guéraud, qui est avec nous en duplex depuis Lyon, qui connaît très bien Adorno, Horkheimer et leur analyse d'Ulysse, s'il ne se joue pas de la manière la plus aiguë possible, au moment où il arrive à Ithaque, où il rentre, l'absence de maîtrise, qui est l'horreur pour Ulysse. Maîtriser est l'enjeu fondamental, se conserver, comprendre son intérêt, son profit, ce sont des points très importants dans l'analyse de Adorno et Horkheimer, figure d'une forme de rationalité occidentale qu'ils appellent la raison instrumentale. Dans cette analyse, on peut dire que c'est comme s'il y avait à un moment donné un échec. Il est effrayé, il ne maîtrise plus rien quand il rentre, Agnès Guéraud. Oui, effectivement, Adorno et Horkheimer déjà font une lecture de l'Odyssée en général. Il y a plusieurs créatures préhistoriques qui sont évoquées au cours de ce chapitre, donc qui est dans la dialectique de la raison, qui s'appelle donc Ulysse, mythe et raison. Et pour rejoindre ce que l'on disait tout à l'heure sur l'identité, une chose qui est très intéressante, c'est que Adorno et Horkheimer commencent ce chapitre en faisant une distinction entre épopée et roman, en reprenant finalement la distinction qu'avait fait Georg Lukács dans la théorie du roman, et en disant finalement Ulysse, c'est pas les aventures d'Ulysse, c'est pas une épopée, c'est une forme de roman picaresque. Pourquoi ? Parce que la subjectivité est en train de s'y construire au fil des expériences, et c'est justement par ces expériences qui sont en effet des expériences au fond de domestication d'un monde que Adorno et Horkheimer désignent comme un monde préhistorique, donc bien avant l'histoire et avant l'histoire bourgeoise, c'est ça qui les intéresse, c'est d'identifier finalement quelque chose qui aurait précédé un temps et une forme de rapport au monde qui aurait précédé ce rapport au monde finalement de domination par la raison instrumentale, effectivement. Et donc, Ulysse, les aventures d'Ulysse, c'est ce roman picaresque où une subjectivité se constitue et s'éprouve dans cette espèce de clivage où, en fait, Ulysse ne va cesser de sacrifier des choses précisément parce qu'il lui faut dominer ces créatures préhistoriques, il lui faut constituer cette subjectivité qui se tient. Une subjectivité qui se contrôle et que, justement, Adorno et Horkheimer, avec des appuis psychanalytiques, c'est très freudo-marxiste comme analyse, constitue chez lui. Donc, il y a quelque chose d'un peu surprenant pour du point de vue d'une philologie, et qui se rapporte tout d'abord au texte d'Homère. Ici, oui. C'est une lecture, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de, il y a un biais, si vous voulez. Et l'échec, la maîtrise est donc d'autant plus troublant, en effet, que le contrôle de soi, la constitution d'une subjectivité solide, semble avoir été un enjeu constant du voyage. Est-ce que cela signifierait, Barbara Cassin, que cette patrie dont il parle, qui se dit Heimat, vous nous le rappelez dans vos analyses en allemand, décidément est totalement unheimlich, comme le disait Freud, lorsqu'il évoquait des phénomènes étranges, étrangement familiers. Il y a une étrangeté qui se crée exactement sur le lieu du familier. Oui, certainement, c'est tout à fait juste. De toute manière, chaque fois qu'Ulysse se rapproche d'Ithaque, et c'est arrivé plusieurs fois dans l'Odyssée, il s'endort. Et il se passe quelque chose qui ne va plus, c'est-à-dire que les marins ouvrent l'outre des vents, et alors ils s'en retournent ailleurs, etc. Donc oui, à la fois il veut et il ne veut pas. Oui, peut-être rentrer. Qu'il ne veut pas. Et donc il y a deux termes très intéressants qui disent la nostalgie. Vous évoquez Heimweh, ça veut dire oui, home sweet home, rentrer chez soi. Mais il y a un autre terme, Sehnsucht, qui dit aller chercher très loin, chercher Sehnsucht, c'est la nostalgie romantique du romantisme allemand. Avec dépassement de soi. Avec dépassement de soi. Donc, les deux sont présentes dans l'Odyssée. Et c'est votre thèse profonde d'ailleurs, me semble-t-il, un des enjeux de votre livre sur la nostalgie, oui, enfin, à l'ombre d'Ulysse. Oui, enfin, en tout cas, il est sûr que les deux coexistent. Et celui qui le voit vraiment magnifiquement, c'est le mari d'Anna Arendt, Günther Anders, mm-hmm. qui le dit comme ça. Il dit, quand Ulysse était chez Calypso, il fallait qu'il n'oublie pas sa patrie, Heimat, oui. mais qu'il n'oublie pas non plus son désir d'aller ailleurs, Sehnsucht. Bon, c'est très intéressant. Et du coup, le petit bourgeois, tel que le décrivent Adorno et Horkheimer, puisqu'ils emploient le terme de petit bourgeois pour Ulysse. La raison bourgeoise. Ulysse est le prototype du petit bourgeois qui navigue sur, comme le montre Quirico, sur un tapis d'hôtel, dans une rame, avec des rames, etc., dans une chambre fermée. Bon, voilà, il est toujours déjà chez lui, c'est un petit bourgeois. Bon, ce petit bourgeois est en même temps un grec du Kléos, un grec de la gloire, qui s'en va et qui ne la trouve jamais assez, qui ne la trouve que dans les mots. Revenir vers cette patrie, selon cette traduction que nous avons entendue. François Hartog, vous faites une analogie, une comparaison, enfin, vous me direz quel est le bon mot, avec Hésiode, Homère d'un côté, Hésiode qui écrit à peu près un siècle après lui, Les Travaux et les Jours, c'est pas dans ce sens? Si. C'est le bon sens. Voilà. Hésiode, les Travaux et les Jours, et vous suggérez qu'au fond, Ulysse voudrait réussir, ou en tout cas va peut-être parvenir à devenir un mangeur de pain, c'est-à-dire un agriculteur bercé par les travaux et les jours, comme dans le poème d'Hésiode. Et Homère raconterait en quelque sorte un voyage où il rencontre des non-humains qui ne mangent que des substances bizarres et des lotus, et ça. Il n'est lui-même pas franchement cultivateur, mais navigateur. Et tout l'enjeu serait de devenir ce mangeur de pain, agriculteur, bien chez lui, cultivant son jardin, dirait un autre, François Hartog. Oui, alors là vous poussez un Oui, je pousse exprès, c'est trop loin. Ça fait partie Mais, de mon boulot. Oui. D'un côté, en effet, vous avez Hésiode, qui dans la Théogonie délimite exactement ce qu'est la condition humaine. Et la condition humaine, ça consiste à cultiver la terre, faire pousser le blé, sacrifier, avoir des animaux domestiques, les sacrifier, rendre un culte aux dieux, et toute l'organisation de toute la vie, se marier aussi, parce que c'est la condition pour qu'il y ait une transmission, qu'on ne meure pas seul, etc. Bon. Apparemment, du côté d'Homère, c'est rien de tout ça. Oui. Bon. Mais, au fond, ces catégories que Hésiode définit presque en théologien, hein, si vous voulez, hein, ces catégories, Homère les met en mouvement, ou les a mises en mouvement, si on veut, dans son récit. Puisqu'encore une fois, Ulysse fait à chaque fois les expériences. Et il est bien tout au long de l'Odyssée, le monde des hommes mangeurs de pain, c'est ainsi qu'il les appelle, c'est le monde civilisé. C'est le monde d'Ithaque, de Pylos, de Sparte, c'est ça. C'est ce monde-là, avec Ménélas, Nestor. Et c'est ce monde-là qu'il veut regagner. Puisque c'est celui auquel, finalement, il appartient. Et quand il arrive, là, l'extrait qu'on vient de lire... Le cri d'angoisse. Le cri d'angoisse. Arrivant à Ithaque. Ce qui est... alors, tout ce qu'on a dit autour de cela, c'est tout à fait juste. Mais il est trompé exprès par Athéna, bon, qui fait qu'il ne reconnaît pas ces lieux. Et la manière dont il se lève, il gémit, et la question qu'il pose, c'est exactement celle qu'il pose à chaque fois qu'il arrive dans un de ces lieux non humains. Mm-hmm. Est-ce que je suis chez des sauvages, chez des gens civilisés? Est-ce qu'ils cultivent? Est-ce qu'ils sont hospitaliers? Donc, il est amené à poser exactement ces mêmes questions sur sa propre terre, qu'il ne reconnaît pas. Bon. Donc, c'est comme si le voyage continuait. Donc c'est aussi une manière pour le Homer de créer comme ça du suspense. Il est chez lui, mais il ne sait pas qu'il est chez lui. Et la brume va se dissiper et il va enfin pouvoir reconnaître qu'il est chez lui. Et les ennuis continuent, évidemment. Alors nous parlons ce matin d'Ulysse, c'est à tout seigneur, tout honneur dirais-je, il s'agit du premier épisode de notre série sur l'idée de voyage. Je suis en compagnie de Barbara Cassin, de François Hartog et à distance de la philosophe Agnès Guéraud. Je voudrais maintenant vous demander pourquoi d'après vous la quête de la racine première, puisque la Heimat, la patrie, ça marche pas très bien. Il est un peu perdu, notre ami Ulysse, quand il rentre à Ithaque. Pourquoi la racine où, qu'il sait être, qui lui permet de reconnaître Pénélope, qui permet à Pénélope de le reconnaître, est un lit. Un lit qu'il a lui-même taillé pour qu'il ne puisse jamais être déplacé. On écoute ce moment connu et assez émouvant entre Ulysse et Pénélope. La toute sage Pénélope dit « Va, Euryclée, dans notre chambre aux solides murailles, préparer le lit que les mains d'Ulysse avaient fait. Dresse les bois du cadre et mets-y le coucher, les feutres, les toisons avec les draps moirés. » C'était là sa façon d'éprouver son mari. Mais Ulysse, indigné, répliqua à sa prudente épouse. « Oh femme, as-tu bien dit ce mot qui me torture ? Qui donc a déplacé mon lit ? Le plus habile n'aurait pas réussi sans le secours d'un dieu, car un grand signe est façonné dans la fabrication de ce lit. C'est moi seul qui l'ai travaillé et personne d'autre. Un tronc d'olivier feuillu poussait dans l'enceinte, haut, fleurissant, et son épaisseur était comme une colonne. De cet olivier, coupant la frondaison, je donnais tous mes soins à équarrir le fût jusqu'à la racine. Puis, l'ayant bien poli et dressé au cordeau, je le pris pour montant, pour chevier le reste. À ce premier montant, j'appuyais tout le lit dont j'achevais le cadre. Voilà notre secret. La preuve te suffit ? Je voudrais donc savoir, femme, si notre lit est toujours en sa place ou si, pour le tirer ailleurs, on a coupé le tronc de l'olivier. » Pénélope sentait se dérober ses genoux et son cœur. Elle avait reconnu les signes évidents que lui donnait Ulysse. Pleurant et s'élançant vers lui, et lui jetant les bras autour du cou et le baisant au front, son Ulysse, elle dit « Ulysse, excuse-moi. Toujours je t'ai connu le plus sage des hommes. Nous comblant de chagrin, les dieux n'ont pas voulu nous laisser l'un à l'autre à jouir du bel âge et parvenir ensemble au seuil de la vieillesse. Mais aujourd'hui, pardonne et sois sans amertume si du premier abord je ne t'ai pas fêté. Dans le fond de mon cœur, veillez toujours la crainte qu'un homme ne me vint abuser par ses comptes. Il est tant de méchants qui ne songent qu'aux ruses. » D'abord, c'est intéressant qu'elle ait eu peur d'un rusé. C'est ce qu'elle dit à la fin. Il y a beaucoup de méchants qui sont rusés. Et son mari est très rusé. Mais quand même, Barbara Cassin se lit de vérité. Que signifie-t-il ? Il me semble, on pourrait tout de suite dire, c'est le sexe. Enfin, franchement, le sexe, il a donné. On peut dire que ça va avec Circé, avec Calypso. Enfin, la question du sexe est omniprésente dans le voyage. Le lit conjugal peut-être implique cela, mais me semble-t-il, il y a plus quand même. Oui, c'est la question de la conjugalité, justement. C'est-à-dire de l'enracinement. Et on est enraciné quelque part dans une famille et dans une conjugalité dont témoigne incroyablement, avec une violence incroyable, ce lit qui n'est même pas métaphoriquement enraciné, qui est réellement enraciné. Femme qui donc a déplacé mon lit, je trouve ça extraordinaire comme signe de reconnaissance. Là, il y a un mot grec qui se balade dans toute l'Odyssée et qu'on retrouve... pour le lit, enraciné, il est dit « mpédon » dans le sol. « M » dans « pédon » dans le sol. Eh bien, ce mot se retrouve d'abord pour qualifier le « séméion », le signe de reconnaissance entre Ulysse et sa femme. Ce signe est « mpédon ». Il est enraciné, lui aussi. Et puis, il se retrouve une autre très importante fois, le moment, on y viendra peut-être, où Ulysse passe au large des sirènes. Là, il est Mpédon, c'est-à-dire qu'il est les pieds sur le plancher de son navire qui passe au large des sirènes, ligoté à son mât. il est empedon. Là, on ne peut plus bouger. Donc, c'est des moments d'identité extraordinairement fortes. Les moments où on est les pieds dans la terre, même quand la terre, c'est la mer. Et dans le cas du lit, alors, vous diriez peut-être l'intime. Non, tout à l'heure, vous parliez c'est le conjugal. De... C'est le conjugal. Ah, bah, oui, ouais, c'est le conjugal, comme dirait Lacan. C'est le conjugal. Tac. Fixé à jamais là-dedans. Mais vous donnez aussi une piste, hein, je trouve, quand vous parlez de Unheimlich de Freud. Unheimlich, ce qui n'est pas peut-être la Heimat, la patrie, ou en tout cas, elle paraît étrange. Mais Unheimlich, ça veut aussi dire le secret qui, lorsqu'il déborde, créer une étrangeté, quelque chose de bizarre. Donc c'est le secret bien enterré, bien fixé au sol. Ce lit, c'est le secret, c'est l'intime secret. Oui, c'est ce qui joint ces deux personnes seules. C'est seulement Pénélope et Ulysse qui savent cela. Personne d'autre ne le sait. Et c'est pour ça que c'est un signe de reconnaissance. Oui. C'est extraordinaire. Et imaginez donc Ulysse en train de creuser son olivier, de faire son lit là-dedans et de construire, c'est ce qui est dit, de construire la chambre autour, le palais autour. Bon, donc tout dépend de cet enracinement. Mmh. Enracinement, vous entendez bien la métaphore, et elle est atrocement, si j'ose le dire, heideggerienne. Hein, on est là. Ah, c'est... je veux dire que enraciné dans une race et dans un sol. Vous croyez vraiment que c'est ça qui est dit déjà? Non. Je crois qu'on entend quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Et je crois que Ulysse repart. C'est peut-être pour ça qu'il repart. Alors, puisque vous avez Il reviendra pour y mourir. Pour mourir. Oui. Dans le lit. Non, oui, pas dans le lit. Pas dans le lit, hein. Oh, on ne sait pas. Enfin, la mort. Peut-être que oui. Agnès Guéraud, vous voulez en dire un mot? Après, on va passer aux sirènes, où là, vraiment, on a besoin de vos lumières. Allez, mais je vous en prie, sur le lit secret. J'ai toujours en tête la séquence qui précède ce moment du lit secret, qui est le massacre des prétendants. On parlait tout à l'heure de toute cette part de violence dans le retour, de violence, de terreur d'Ulysse, et qui se retourne en violence contre lui-même, mais pas seulement finalement contre lui-même, puisque ce lit c'est tout à fait intéressant, voilà, que représente en effet cette conjugalité, cet enracinement. Eh bien, il suit un moment, un bain de sang, en fait. Vous faites bien de le rappeler. Je pense que ça change un peu la donne. On va quand même lire là maintenant, écouter le texte des sirènes, le fameux passage du chant 12, où Ulysse souhaite entendre ce chant si dangereux qu'il fait sauter tous ses camarades par-dessus bord, et lui voudrait pouvoir l'entendre sans mourir. Écoutez. Alors, il les assourdit. Oui, on écoute le texte, Agnès Guéraud. Le premier conseil de Circé est de fuir les sirènes, leurs voix ensorcelantes et leurs prairies en fleurs. Seul, je puis les entendre. Mais il faut que, chargé de robustes liens, je demeure immobile, debout sur l'emplanture, serré contre le mât, et si je vous priais, si je vous commandais de desserrer les nœuds, donnez un tour de plus. Je dis et j'achevais de prévenir mes gens. Tandis qu'en pleine course, le solide navire que poussait le bon vent s'approchait des sirènes. De mon poignard en bronze, je divise un grand gâteau de cire à pleine main. J'écrase et pétris les morceaux. La cire est bientôt molle entre mes doigts puissants. De banc en banc, je vais leur boucher les oreilles. Dans le navire alors, il me lie bras et jambes, debout sur l'emplanture. Puis chacun en sa place, la rame bat le flot, qui blanchit sous les coups. Nous passons en vitesse, mais les sirènes voient ce rapide navire qui bondit tout près d'elles. Soudain, leur fraîche voix entonne un cantique. Viens ici, viens à nous, Ulysse t'en vanté, l'honneur de l'Achaïe. Arrête ton croiseur, viens écouter nos voix. Jamais un noir vaisseau n'a doublé notre cap sans ouïr les doux airs qui sortent de nos lèvres. Puis on s'en va content et plus riche en savoir, car nous savons les mots, tous les mots que les dieux, dans les champs de Troade, ont infligés aux gens et d'Argos et de Troie. Et nous savons aussi tout ce que voit passer la terre nourricière. Elles chantaient ainsi, et leurs voix admirables me remplissaient le cœur du désir d'écouter. Je fronçais les sourcils pour donner à mes gens l'ordre de me défaire. Mais tandis que, courbé sur la rame, ils tiraient, Eurylochue venait, aidé de Périmède, resserrer mes liens et mettre un tour de plus. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Agnès Guiraud, je sais que c'est une gageure, là, je vais vous demander de nous dire quelle est, en gros, l'analyse de Adorno et Horkheimer de cette scène. Quel genre de personnage, rusé certes, mais il y a d'autres éléments, constitue Ulysse dans cette scène. Alors, c'est un moment qui est passionnant dans l'Odyssée même, évidemment, et dont ils font une lecture qui est éclairante aussi. Donc, il y a cette situation qui est une sorte, c'est comme un dispositif, finalement, c'est un dispositif pour pouvoir accéder à un plaisir sans y succomber. Parce que finalement, ces sirènes sont absolument séductrices, sont des figures du désir et aussi du savoir. Elles disent, nous savons, hein, voilà. Donc il y a quelque chose de, ce sont des sortes de d'amantes impossibles, mais très expérimentées. C'est ça qu'elles disent aussi. Donc il y a cette séduction fondamentale à laquelle que Ulysse veut connaître, puisque en fait il n'est pas obligé, Circé lui dit n'y va pas, mais il y va quand même, il passe avec son navire, il trouve cette ruse de dire bon bah je vais boucher les oreilles de mes coéquipiers, des rameurs, et je vais leur demander de m'attacher au mât, même si je demande qu'on me libère, ils vont venir resserrer mes liens. Pourquoi? Parce que eux n'accèdent pas ni à ce plaisir, ni à cette tentation, ni à ce savoir, puisqu'ils n'entendent pas, ils sont justement pris du sens qui va donner accès à la puissance des sirènes et qui met expose à succomber à cette puissance. Et donc déjà ils ont une première analyse finalement qui est marxiste, hein, c'est de dire que fait Ulysse là si ce n'est produire une sorte de système d'exploitation. Mm-hmm. Oh voilà, il a besoin des rameurs parce qu'il a besoin que le navire puisse passer rapidement. On l'entend, hein, dans le texte, le navire qui file rapidement. Il s'agit pas trop de s'apesantir non plus parce que sinon on risque de succomber et donc de mourir. Hein. Ce sont des créatures donc il veut profiter menaçantes. Voilà. Et donc grâce à des travailleurs quand même. C'est ça finalement. Voilà, ils sont dans cette situation, ils sont privés eux-mêmes, déconnectés de la possibilité de la jouissance. Esthétique, parce que il est aussi question, évidemment, au cœur de ça, d'une jouissance esthétique et d'une jouissance tout court, en réalité. Oui, enfin, une frustration, on pourrait dire aussi. Que Ulysse transforme en jouissance esthétique en y intégrant, en justement, en la dialectisant avec un dispositif qui l'oblige à être frustré. Mais donc, justement, ça lui permet de rester dans une contemplation de la musique. Et en fait, ce qu'en tire Adorno et Horkheimer, et bon, c'est vraiment des questions qui hantent Adorno, hein, c'est la question du plaisir musical. Bon, alors, il y a beaucoup à dire d'ailleurs là-dessus chez lui, parce que c'est tout à fait dialectique, et puis c'est quelqu'un qui va finir par dire, concernant la musique moderne, que elle doit justement se soustraire à cette question du plaisir si elle veut continuer d'être authentique. Donc, c'est très, très, très compliqué ici, du point de vue d'Adorno, mais il y a ce moment voilà dans la dialectique de la raison où ils écrivent à Adorno et Horkheimer commentant justement ce fait que Ulysse d'une certaine manière renonce au plaisir de l'écoute, enfin veut profiter de cette écoute sans y succomber, et avoir du plaisir c'est quand même succomber, et au-delà même du plaisir il y a la notion même de s'émouvoir, et ici voilà c'est cette idée, ils évoquent l'absurdité que représente le chant dans la civilisation, ce chant qui proclame néanmoins le pouvoir de toute art musical qui est d'émouvoir. Donc moi ça me fait quelque chose de dire oui, ça de si la part d'Adorno. Me permettre, je trouve qu'il y a une sévérité qu'on n'a pas forcément entendue là à l'instant dans votre propos. En se laissant ligoter, écrivent-ils, Ulysse reconnaît la supériorité archaïque du chant. Mais il se ligote, et le fait qu'il se ligote, ajoute-t-il, ça signifie que l'éveil du sujet, je les cite encore, se paye, et se paye de la reconnaissance du pouvoir comme principe de toutes les relations. Il demande à être dominé physiquement pour pouvoir être le seul à jouir. Oui, et voilà. À jouir mal, et à ne pas jouir des sirènes, mais à être frustré par l'extraordinaire désir qu'elle suscite en lui. Donc, il y a une perte en ligne, comme si je puis dire. Parce François Hart, oui. Je peux me permettre. Oui. Au cœur de l'analyse, c'est vrai qu'il y a cette question du sacrifice. Et l'Odyssée, pour toutes ces aventures, et en particulier, mais pas seulement, cette aventure des sirènes, c'est vraiment l'expérience du sacrifice comme sacrifice, bien sûr, d'autrui, enfin, puisque Polyphème, il est sacrifié, enfin, tout est des créatures comme ça que Ulysse sacrifie, mais c'est aussi un sacrifice en soi, un sacrifice de soi. De lui-même et de sa nature, il gagne, mais il perd aussi. C'est au cœur de cette idée d'une subjectivité qui est clivée. Ce sont des lecteurs assidus de Freud et assidus de Malaise dans la civilisation, qui est un texte qui est pas très éloigné dans le temps de sa publication de la dialectique de la raison. On est entre 39 et 44. Et que dit Freud à la fin de la Malaise dans la civilisation? Au fond, il n'y a pas de solution au prix que payent les individus pour vivre dans une société bourgeoise. Il y a une forme de tragique. Voilà, vous êtes allé, je crois, au bout d'un des points fondamentaux de cette analyse. François Hartog. Sur cette analyse, est-ce que vous, qui lisez Ulysse dans une initiation très complexe, la question du retour, la question de l'identité, la question de la maîtrise, du contrôle, là c'est une scène paradigmatique où il faut qu'il se constitue par-delà sa nature sensible. Il peut avoir une nature sensible, mais il doit se ligoter. Oui. Il doit se ligoter. Oui, mais je pense que cette scène, en effet, est capitale. Il faut aussi la replacer dans l'ensemble. C'est-à-dire que ces sirènes, ce sont des muses. Elles sont décrites exactement, elles ont les mêmes pouvoirs. Mais ce sont des muses, des anti-muses. Des contre-muses. Ou des contre-muses, ou des muses de mort. Puisque tout l'enjeu, c'est la mort. Eh oui. Ils risquent c'est pas tant la jouissance, la mort. Enfin, la mort qui irait avec une jouissance... Oui. Accompli, dirait-on, non? Oui, mais entendre, c'est mourir. Oui. Bon, si vous cédez à la séduction, c'est le verbe grec, la telgein, qui est à la fois séduire et tromper. Bon, si vous cédez à cet appel, vous n'en revenez pas. Et alors, pour moi, cette scène, parce qu'Ulysse, il a le désir d'écouter, mais il sait que s'il écoute, il sera... Sans ruse. Sans ruse. Il est mort. Il est fichu. Oui. Bon. Donc, attaché, ça ira. Mais on peut aussi considérer que entendre le chant des sirènes, c'est déjà être mort. Ah! Il est dit que sur le rivage de l'Oril, il y a des cadavres, des crânes, des ossements qui pourrissent. Bon. Et c'est au fond, j'aurais tendance à penser que vous avez une symétrie ou un renvoi entre cette scène des sirènes, ce chant qu'on a envie d'entendre, mais que si on entend, c'est fini. Et ce qui se passe avec Démodocos que j'évoquais tout à l'heure, où Ulysse entend exactement ce que les sirènes lui proposent de chanter. C'est-à-dire ce qui s'est passé, l'épisode de la guerre de Troie. Et son triomphe à lui. L'Iliade. Oui, l'Iliade. Donc, vous avez, dans ces deux scènes, renvoi à l'Iliade. L'Iliade est présente là, et l'Iliade est présente chez les sirènes, et on pourrait dire à la limite, alors là, je vais très vite et pousse un peu, que les sirènes, en fait, elles ne chantent pas. C'est toute la thématique du silence des sirènes, tel que Kafka a évoqué ça. Et vous avez le désir de les entendre, mais pour les entendre, il faut être mort. Barbara Cassin, je vous laisse le dernier mot sur ce sujet. Le dernier mot ? Je suis désolée. Bah écoutez, pour moi, ce qu'il y a d'essentiel là-dedans, c'est que c'est le moment de l'identité absolue. C'est-à-dire que Ulysse, il est ligoté à son mât et il entend qui il est de la part des sirènes, c'est-à-dire rien du tout, puisque de toute façon, on le sait déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, ensuite, dans toute la philosophie, ces mots-là seront repris pour dire l'être. C'est incroyable et il faut le savoir. Parménide utilise les mots qui décrivent Ulysse attaché à son mât pour décrire lui, l'être, dans son poème. Autrement dit, parce que ces mots sont empédone, il y a empédone dedans dont je parlais tout à l'heure. L'être est empédone, il est dans la limite de liens puissants, enserrés. Bon, c'est exactement les mêmes mots et ça c'est incroyable. Thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace nymphs. And you see a girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Vous aurez peut-être reconnu Eric Clapton à la guitare. Tales of Brave Ulysses ou Ulysses, selon les prononciations, c'est une chanson de Cream de 1967 écrite par Martin Sharp, qui s'est inspiré d'un séjour à Formentera, île des Baléares, au large de laquelle se situait, dit-on, l'épisode des sirènes. Merci infiniment Barbara Cassin, François Hartog et Agnès Guéraud pour tous vos éclairages ce matin sur Ulysse le voyageur, voyageur paradoxal qui veut en rentrer, et ça ne se passe pas très bien ce retour. Je vous propose à présent d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui nous parle cette semaine de différence et d'indifférence. Le pourquoi du comment. Pourquoi tout est-il différent ? Le problème de la différence est un des grands problèmes de la philosophie et très souvent on le réduit à une alternative en quelque sorte simple mais très abstraite aussi. Il y a d'un côté une manière de penser la différence qui est en fait, disons, des traits singuliers mais dans un genre commun. Par exemple, un être humain, les deux êtres humains sont des êtres humains différents mais finalement ils sont identiques en tant qu'êtres humains et potentiellement c'est une manière d'annuler la différence radicale, en tout cas d'en faire seulement une petite petites différences, si l'on ose dire, sous le signe d'un genre qui est l'essence commune. Et Socrate et Calliclès sont deux êtres humains, par exemple, dans le genre humain. Alors, la différence est facilement ramenée à l'identité et l'on résiste à l'idée de trouver une différence absolue. On cherche plutôt à caractériser par des propriétés générales et finalement à avoir des identités qui peuvent annuler la différence. D'un autre côté, il y a des philosophies de la différence radicale, de la différence qui serait une pure émergence de singularité sans aucune appartenance à un genre commun, qui ne se réduirait jamais à des propriétés communes, qui serait la différence radicale. C'est un vieux rêve de la philosophie, Héraclite contre Parménide, je ne me baigne jamais deux fois dans le même fleuve, l'idée de l'identité du fleuve serait une abstraction du langage, la réalité de l'eau est fluente, toujours différente, un pur divers, un pur chaos, impossible à ramener à une identité stricte, celle de son adversaire présocratique, Parménide, selon lequel l'être ou le non-être n'est pas, et être, c'est être quelque chose de stable, quelque chose qui ne change jamais. Mais le problème de la différence, c'est peut-être quelque chose de plus précis encore. Ce n'est pas un chaos du divers sans aucune appartenance à un genre commun ou bien une identité universelle sans singularité. C'est peut-être justement l'existence d'être au pluriel, d'être singulier, d'être qui diffère entre eux, mais d'abord par une individualisation profonde des uns par rapport aux autres. La différence, alors, c'est la différence de tout. Tout est différent, mais un à un, en quelque sorte, chose après chose, substance après substance, individu après individu. C'est la grande thèse de Leibniz au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Leibniz qui disait qu'il n'y a pas deux choses semblables, un principe de différence, deux feuilles d'arbres qui se ressemblent et deux êtres humains a fortiori qui soient exactement les mêmes, mais d'abord parce que ce sont des individus, non pas un chaos de pure différence, mais des totalités individuelles. Jules César, par exemple, qui contient en lui la totalité de son histoire, qu'aucun être humain ne peut déplier, mais que Dieu connaît parfaitement. La singularité comme raison de la différence, l'individuation. Alors peut-être aujourd'hui pouvons-nous la penser autrement que Leibniz, non pas comme un absolu que seul Dieu peut connaître, auquel seul l'entendement divin peut accéder, mais comme notre réalité, l'individualisation d'ailleurs réciproque, le principe d'une différenciation mutuelle sur le fond d'une appartenance commune, mais aussi d'une singularité où le temps joue un rôle, où la durée nous crée aussi comme personne singulière, par nos actes, où nous pouvons nous différencier seulement en nous reliant aussi les uns aux autres ou les unes aux uns. Merci Frédéric Worms. Les références des travaux de nos invités d'aujourd'hui sont sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kira avec à la technique Noé Chaban. Merci aux équipes de Radio France de Lyon qui ont permis un duplex avec Agnès Guéraud. Cette émission a été préparée en particulier par Axel Dubois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Anna Felpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.